la science CQFD, Natacha Trioux. La luminescence est une caractéristique biologique très répandue dans le monde marin, mais aussi terrestre. Quel est l'intérêt pour un poisson, un champignon, un écureuil d'émettre de la lumière ? ...76% des espèces qui vivent sous la surface de la mer sont bioluminescentes. Le phytoplancton, certaines méduses, le calamar vont créer leur propre lumière. Quant à la fluorescence, on ne s'attendait pas à ce qu'un si grand nombre de mammifères changent de couleur quand on les éclaire avec une lampe UV. Ornithorynque, wombat, paulatouche et renard roux. Les scientifiques étudient cette propriété que depuis une centaine d'années. On vous éclaire sur ces différentes façons de briller. Bioluminescence, tout ce qui brille. Marc-André Sellos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur du Muséum National et membre de l'Institut Universitaire de France. Nous sommes en ligne également avec Séverine Martinier, bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Marseille. Et nous sommes également en ligne avec Bernard Valeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes physico-chimiste, professeur honoraire du CNAM, spécialisé dans la photophysique et photochimie, et surtout la photoluminescence et fluorescence. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture, et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez également nous suivre sur X, anciennement Twitter, pour notre live tweet. Chaque jour, nous publions de nombreuses ressources pour compléter votre écoute. C'est maintenant à Science CQFD. Quelles sont les espèces concernées par la bioluminescence ? Quels sont les mécanismes et quels en sont ses atouts ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, on fait briller vos mirettes. On part au Costa Rica, au large de Porto Rico. C'est notre archive du jour. Une île quasiment vierge au parfum de mystère. Au large de Porto Rico, Vieques a longtemps abrité une base d'entraînement américaine. Cette présence militaire a empêché toute opération immobilière, la nature y est intacte. À la tombée de la nuit, à l'heure où l'on devrait quitter la plage, les touristes affluent pour une expédition nocturne inédite. Pour atteindre le trésor de Vieques, il faut d'abord pénétrer la mangrove. Premier frisson, des racines plongées dans l'eau, au-dessus des têtes, une végétation envoûtante et d'étranges habitants. Mais le plus fascinant se trouve au bout du périple. Un lagon unique au monde va s'allumer. Un simple coup de pagaie et l'eau se met à briller. Ce phénomène est dû à des planctons bioluminescents. Pour eux, le moindre mouvement signifie l'arrivée d'un prédateur pour se défendre. Il s'illumine. Lorsque les vagues se lèvent, c'est toute la côte qui se met à briller. Image exceptionnelle. Ici, la température de l'eau est constante, un milieu idéal. Vieques recèle la plus grosse concentration au monde de micro-organismes bioluminescents. Pour s'illuminer la nuit, ces créatures ont besoin des rayons du soleil, indispensables pour la photosynthèse. Pour prospérer, il leur faut un écosystème très particulier. Température, salinité, nourriture végétale, le moindre changement peut les faire disparaître. Protéger à tout prix ces minuscules lucioles des mers, préserver leur magie. On ne compte que 5 baies bioluminescentes dans le monde, la plupart ne s'allument que périodiquement. À Porto Rico, le spectacle éblouissant a lieu toute l'année. Voilà notre archive de 2016 et cette baie réputée pour abriter une forte concentration d'organismes bioluminescents. Marc-André Sellos, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir ce spectacle, celui des phytoplanctons qui s'illuminent au gré des vagues. Oui, oui, les fameux noctiluques, les lumières de la nuit en fait, par leur nom. Et moi j'ai eu la chance de voir ça simplement après de la Grande Motte. Hein. Et alors, en mettant un masque, c'est amusant, vous avancez là-dedans et vous avez l'impression... tout en étant dans la pénombre, qu'il y a de la neige autour de vous à cause de ces éclats de lumière qui viennent de ces tout petits unicellulaires. C'est vraiment frappant. Séverine Martini, vous aussi, vous travaillez sur les mondes marins. Certains poissons ont des patterns lumineux très particuliers, très beaux. Est-ce que vous auriez quelques exemples d'organismes marins à nous décrire, à partager avec nous ? Oui, alors pour les poissons, il y a vraiment une très grande diversité. Le plus connu et celui qui va parler sûrement au plus grand nombre, c'est ce poisson avec la lanterne qu'on voit par exemple dans le dessin animé Nemo. Et qui s'associe à des bactéries bioluminescentes. Il n'y a pas que des gros organismes, mais aussi des bactéries qui peuvent être bioluminescentes. et qui utilise la bioluminescence de ces bactéries pour émettre de la lumière. Et on a après beaucoup d'autres poissons qui vont développer des photophores sur le corps pour émettre de la bioluminescence par eux-mêmes, par contre, pas forcément en association avec des bactéries. Il y a tout un tas d'animaux lumineux sous-marins dont on peut parler ensemble, Séverine Martini. Oui, alors la diversité des organismes bioluminescents, elle est énorme. On a quantifié qu'il y a à peu près les trois quarts de tous les organismes marins qui sont capables d'émettre de la bioluminescence, qui ont la possibilité, la capacité d'émettre cette bioluminescence par eux-mêmes. Et on a vraiment une très grande diversité d'organismes. On a parlé des poissons, des bactéries. Il y a aussi, par exemple, des méduses sur la côte méditerranéenne. On a ces méduses violettes qui sont très répandues et qui sont un cauchemar pour les baigneurs l'été et qui sont des méduses bioluminescentes. Il y a des organismes gélatineux, d'autres organismes gélatineux qui sont aussi majoritairement bioluminescents. Et toute une diversité de poissons dont on a parlé auparavant, qui possèdent aussi la capacité d'émettre leur propre lumière. Oui, vous avez une étude parue dans Nature que vous avez publiée en 2017 où vous montrez justement que 76% donc des animaux marins sont bioluminescents. On parle là des poissons, des bactéries. Bernard Valeur, il y a aussi de la bioluminescence en milieu terrestre. Oui, il y a tout à fait de la bioluminescence en milieu terrestre, mais elle est beaucoup moins répandue qu'en milieu marin. Bon, l'exemple le plus courant, c'est bien sûr le ver luisant que tout le monde peut constater. Ver luisant qui porte d'ailleurs très mal son nom parce que c'est la femelle non ailée du lampire. Hein, et elle émet un signal continu pour attirer les mâles. Et puis, il y a bien sûr d'autres coléoptères. Hein, les lucioles sont bien connues pour clignoter dans l'air. Et là, on sait que ces signaux sont destinés à attirer les mâles. C'est-à-dire que la femelle clignote. Enfin, il y a énormément d'espèces de lucioles et énormément de signaux. Hein. On a recensé, je crois, quelques 130 signaux qui sont d'ailleurs extrêmement précis du point de vue de leur durée et de leur fréquence. Et puis alors il y a un cas qui est tout à fait exceptionnel, c'est celui de l'espèce Pteroptix, si je ne me trompe pas, où tous les mâles se rassemblent en essaim et ils clignotent de façon synchrone, à raison de trois éclairs toutes les deux secondes, je crois. Et donc là, on pense que le but est d'attirer les femelles. Marc-André Sellos. Comme vous dites, la fréquence est importante. C'est pour ça qu'il faut absolument être synchrone, parce que sinon les femelles peuvent pas reconnaître la fréquence qui est propre à l'espèce. Et ces histoires de fréquence ont débouché sur des espèces de lucioles du sud des États-Unis, les Photuris, du genre Photuris, sur des espèces où les femelles attirent les mâles des autres espèces en mimant la fréquence d'allumage, et elles les dévorent parce que les lucioles sont carnivores. Ce sont des coléoptères carnivores. Donc il y a des truands qui ont truandé le système de communication pour dévorer les mâles des autres espèces grâce justement à ce phénomène de fréquence. Très et ces espèces-là ont une autre fréquence pour attirer leur propre partenaire sexuel, qu'elles ne mangent pas dans ce cas-là. Très belle stratégie. On reviendra justement sur ces différentes stratégies, les fonctions justement de la bioluminescence. Est-ce que vous aurez d'autres exemples de ces espèces en milieu terrestre, Marc-André Sellos, qui utilisent ou on observe cette caractéristique? Oui, alors comme mycologue, je ne peux pas m'empêcher de parler de champignons. Et alors, vous allez voir, c'est assez décevant cette histoire-là. Parce qu'on connaît beaucoup de champignons qui sont bioluminescents, ils le sont soit au stade mycélien, c'est-à-dire ces filaments microscopiques qui sont l'état dans lequel vit en permanence le champignon, et par exemple vous pouvez avoir du bois mort qui est bioluminescent à cause de ces champignons, et puis il y a aussi des champignons, ça peut être les mêmes, ça peut être d'autres espèces, où c'est les parties reproductrices, ce qu'on voit à l'œil nu et qui fabriquent les spores, qui sont bioluminescentes. Et je vais vous dire, là où c'est décevant, mais c'est, la science c'est comme ça, c'est que on ne sait pas là du tout le rôle que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a pas vraiment d'explication. Alors, il y a tout un tas de théories, mais aucune n'est démontrée. Et à mon sens, aucune n'est vraiment convaincante. Il y a encore des mystères fonctionnelle sur la bioluminescence de certains organismes. Et pour ces gens qui m'intéressent, alors il y a une île que je recommande particulièrement. Moi, j'ai fait le voyage. Hein, c'est au milieu du Pacifique. Alors, j'ai profité de ce que j'étais au Japon pour aller voir Hachijojima. Une île où il y a énormément de champignons, notamment du genre Mycena, qui sont bioluminescents. Alors, ne me demandez pas pourquoi cette île en particulier, mais en se baladant la nuit, on voit des morceaux de bois qui brillent, on voit des champignons qui brillent. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. C'est des bioluminescences vertes. Hein. On reviendra là encore hein, sur ces mystères et ces questions non résolues, mais il y a des choses par contre qu'on comprend bien. Bernard Valeur, hein, c'est comment ça fonctionne tout ça? Comment ça fonctionne? D'abord, faut peut-être faire le distinguo, faire la différence entre incandescence et luminescence. Quels sont les phénomènes hein, par lesquels la matière, un corps, émet de la lumière? Oui, effectivement, c'est important de distinguer la façon dont la matière émet de la lumière. Il y a d'une part l'incandescence qui est d'origine thermique, hein, c'est la lumière qui est émise par les corps chauffés. Et il faut préciser que la couleur de la lumière émise ne dépend quasiment que de la température et pratiquement pas de la nature du corps. Hein. Si vous prenez une barre d'acier portée à 900 degrés, vous voyez une couleur orangée, ben c'est la même couleur pour une céramique qui est portée à la même température. Et puis, la luminescence, elle, ne résulte pas d'une augmentation de température. C'est pour, d'ailleurs pour cette raison que souvent on l'appelle lumière froide par opposition à lumière chaude qui provient de l'incandescence. Et dans le cas de la luminescence, l'émission de lumière est toujours consécutive à un apport d'énergie. Hein, cette énergie sert à amener des atomes, des molécules dans un état dont l'énergie est supérieure à celle qu'ils possèdent dans leur état normal. Et ce surplus d'énergie est ensuite restitué partiellement sous forme de lumière. Alors, ce qui est important dans ce cas-là de dire, c'est que la couleur de la luminescence émise dépend de la nature du corps. Et si vous prenez deux organismes vivants appartenant à des espèces différentes, eh bien, vous pourrez avoir des couleurs différentes, même si elles sont à la même température. Alors, il existe plusieurs formes de luminescence. Il est important de les distinguer. Et en fait, elles résultent d'un apport d'énergie différent. Et pour bien les distinguer, on fait précéder le mot luminescence d'un préfixe. Alors, on comprend tout de suite que photoluminescence, eh bien, c'est une émission de lumière qui se produit consécutivement à une absorption de lumière hein, ou de rayonnement ultraviolet. Tous ces rayonnements peuvent venir du soleil ou d'une source artificielle comme une lampe UV, une source de lumière bleue, etc. Et donc, il faut préciser qu'il n'y a pas de photoluminescence, en particulier d'êtres vivants, dans l'obscurité totale, comme les abysses. Et donc, on distingue dans la photoluminescence la fluorescence et la phosphorescence. Alors, en ce qui concerne la chimiluminescence, eh bien, l'apport d'énergie, l'énergie est fournie par une réaction chimique. Hein, et si cette réaction chimique a lieu dans un organisme vivant, ben, c'est une réaction biochimique. Et à ce moment-là, on parle de bioluminescence. En toute rigueur, on devrait dire biochimiluminescence, mais on simplifie en disant bioluminescence. Oui, bioluminescence, un peu un abus de langage. Marc-André Sellos, pour prolonger, comment ça se passe la chimie de la bioluminescence? Quels sont les mécanismes cellulaires en jeu? Alors, d'abord, il faut dire, bien souligner que dans ce qui va suivre, ça coûte de l'énergie, c'est ce que vient d'être dit, hein, très justement. Et en gros, on a un système qui, pour faire simple, hein, est constitué de deux molécules, la luciférine et la luciférase. Et la luciférase, va en fait, c'est une enzyme qui va faire réagir de l'oxygène, de l'énergie cellulaire sous une forme qu'on appelle l'ATP. C'est une molécule chargée d'énergie qui va être dissociée et libérer son énergie. Donc de l'oxygène, une molécule riche en énergie, et puis une autre molécule qui est la luciférine. Et en fait, l'énergie est transmise à la luciférine et la luciférine libère cette énergie mais sous forme de lumière. Donc en fait, c'est l'inverse de la photosynthèse. La photosynthèse, vous savez, c'est on utilise la lumière pour faire de l'énergie qui ensuite sert à transformer le CO2 en sucre. Bon, ben là c'est l'inverse. Vous avez de l'énergie dans la cellule et vous la transformez en lumière. Voilà. Alors, c'est important de dire que ça coûte quelque chose. Pour une bactérie comme Halivibrio fischeri, qui est une bactérie très commune dans les eaux marines, c'est 20% quand elle brille. Au moment où elle brille, c'est 20% de son énergie cellulaire qui passe là-dedans. Et ça, pour un évolutionniste, ça porte un signal fort. Si c'est un coût énergétique, c'est que ça a un rôle. Et j'en reviens à mes champignons de tout à l'heure, ils font pas ça par hasard. Clairement, il doit y avoir une fonction qui est cachée, ou alors c'est le sous-produit d'une autre fonction. Mais vu le prix que ça coûte, ben on le fait pas pour faire beau. Il y a deux façons de briller, donc soit par soi-même, soit par symbiose. Et pour bien comprendre d'ailleurs ça, on peut prendre l'exemple de la sèche qui vit en symbiose avec cette bactérie. Quel est le fonctionnement de cette symbiose? Alors, c'est l'histoire d'un recrutement après la naissance de cette petite sèche, enfin, ou un calmar, c'est Euprimnia scolopes. Et ce petit calmar est effectivement va recruter ces bactéries qui sont attirées par du mucilage qu'il sécrète. Alors, ensuite, les bactéries colonisent des canaux et investissent un organe dans lequel elles sont nourries en sucre. Et en fait, cet organe, il va être brillant que la nuit pour une raison toute bête. C'est qu'il faut que, on y reviendra peut-être, hein, il faut que ces bactéries soient assez nombreuses pour enclencher la production de lumière. Parce que dans leur milieu, si elles sont pas nombreuses, briller quand on n'est pas très densément nombreux, eh ben on verra pas la lumière. Ça n'a de sens que si on est assez nombreux pour que ça fasse une lumière visible. Donc, au cours de la journée, elles prolifèrent sous l'effet des sucres, et quand elles sont assez nombreuses, c'est le moment où tombe la nuit, elles commencent à briller. Et elles brillent toute la nuit avec des régulations liées à la poche de l'encre du calmar qui vient plus ou moins faire occlusion, et en réalité, la fonction ici est de ne pas être vue du dessous. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une lumière qui ressemble à la lumière du clair de lune, et vu du dessous, vos propres prédateurs ou vos propres proies, car ce petit calmar chasse de nuit, en compagnie de ces bactéries, eh bien, il n'est pas visible du dessous, parce qu'il ne fait pas d'ombre. Et quand arrive le petit matin, on bazarde tout ce monde-là qui est gourmand en sucre, on n'en garde que quelques-unes, on en bazarde 95% qui sont expulsés, vont vivre leur vie dans l'eau comme ils peuvent, hein, et on garde une petite quantité qui va reproliférer dans la journée et arriver à la concentration suffisante à rebriller le soir même. Voilà comment ça se passe de façon oscillante. C'est une Martini, justement, sur la bioluminescence et la symbiose dans le monde marin. Par rapport à la symbiose dans le monde marin, effectivement, en général, les exemples qu'on donne sont principalement liés aux calamars ou aux poissons. Il faut savoir que la symbiose, donc l'association entre des bactéries et des organismes marins, c'est finalement assez minoritaire. En général, la plupart des organismes marins bioluminescents émettent par eux-mêmes de la lumière. Et les cas de symbiose, donc d'association avec des bactéries, sont assez minoritaires chez les calamars ou les poissons. J'ai évoqué tout à l'heure le poisson avec la lanterne qui est très connu. On vient de parler effectivement des calamars. Après, il y a eu aussi d'autres études, par exemple chez des souches de bactéries qui s'appellent Photobacterium. Il a été montré que c'est pas forcément quand elles sont suffisamment nombreuses, donc un phénomène qu'on appelle le quorum sensing, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à émettre de la bioluminescence quand elles sont suffisamment nombreuses. En fait, on s'est rendu compte que pour certaines espèces de bactéries, il n'y avait pas forcément ce phénomène de quorum sensing. Donc parfois, elles sont capables d'émettre, même si elles ne sont pas extrêmement nombreuses. Et nous, la question qu'on se pose, en fait, c'est effectivement, quand ces bactéries sont en dehors de ces cas de symbiose avec des poissons ou des calamars, à quoi leur sert la bioluminescence? Donc c'est ce qui a été un petit peu mis en avant tout à l'heure, c'est d'essayer de comprendre le rôle de la bioluminescence chez ces bactéries quand elles ne sont pas associées à un organisme hôte. Alors pourquoi la fluorescence des végétaux, mais surtout pourquoi la fluorescence des animaux? Restez avec nous, on y vient. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, avec Séverine Martini, Marc-André Sellos et Bernard Valeur, nous parlons de bioluminescence, ce phénomène lumineux qui anime le monde vivant. Nous venons de voir que la bioluminescence est une réaction chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. Bernard Valeur, quand on parle de bioluminescence, on parle aussi, donc on l'a dit, de photoluminescence. Alors ça, c'est lorsque la production de lumière se fait après avoir été d'abord absorbée, il n'y a pas de réaction chimique, ça ne demande pas d'énergie. Oui, donc la photoluminescence, c'est une émission de lumière consécutive à une absorption de lumière, hein, et on distingue la fluorescence et la phosphorescence. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'étymologie de ces termes parce qu'ils prêtent à confusion. Hein, la fluorescence est sans rapport avec l'élément fluor et la phosphorescence est sans rapport avec l'élément phosphore. Hein, bon, alors souvent on se contente de dire que la phosphorescence perdure une fois que cesse l'illumination, alors que la fluorescence disparaît presque instantanément. En fait, la distinction est beaucoup plus subtile. Mais on va laisser de côté le mot fluorescence, qui est employé souvent à tort et à travers. Parfois, on dit que des champignons sont phosphorescents, mais comme l'a dit Marc-André, en fait, ils sont bioluminescents. Et puis, de toute façon, on va laisser la fluorescence de côté parce qu'il n'y a pas d'être vivant phosphorescent. Donc, dans le langage courant, eh bien, on parlera de biofluorescence ou de fluorescence et puis de bioluminescence. Mais la phosphorescence, pour bien comprendre, c'est comme les étoiles qu'on colle sur les plafonds de nos enfants, des chambres d'enfants, ça continue d'émettre de la lumière après avoir été éclairé, même dans le noir, mais ça, aucun animal n'est capable de phosphorescence. Oui, c'est bon. Je ne peux pas rentrer dans la subtilité du mécanisme de phosphorescence. Et l'exemple que vous citez est bien connu, mais il y a des pictogrammes de sécurité aussi qui fonctionnent selon ce principe. Hein. Mais bon, ce n'est pas le problème des êtres vivants. Alors, la fluorescence, Marc-André Sellos, comment ça fonctionne ? Alors l'idée donc, alors là je parle sous le contrôle de mes collègues, hein, c'est de quand on reçoit une certaine longueur d'onde d'en émettre une autre. Généralement une longueur d'onde qui contient moins d'énergie parce que du coup c'est faisable, il y a une légère déperdition sous forme de chaleur ou d'infrarouge. Alors ça, ça sert à rien. Je m'explique. Il faut recevoir de la lumière, donc il faut être en plein jour. Ou de la lumière ou des UV d'ailleurs. Hein. Du coup, effectivement, éventuellement, les couleurs des choses que l'on voit, ils s'ajoutent à ce qu'elles renvoient de la lumière du soleil, un petit peu de certaines longueurs d'onde qu'elles ont produites elles-mêmes à partir d'autres longueurs d'onde. Mais quand on coupe la lumière, ça vient d'être dit, il se passe plus rien. Je me rappelle, on avait tourné pour la télé des images au muséum de fluorescence de fleurs. Parce que, alors, quand on éclaire aux UV les fleurs, on voit des trucs dans le visible avec des couleurs tout à fait marrantes. Enfin, on reconnaît la fleur, hein, mais pas ses couleurs, par contre. Et on s'était enfermé au troisième sous-sol des souterrains du muséum, sous les grandes serres, pour arriver à voir ça, parce qu'il fallait absolument pas de lumière, mais éclairer avec des UV. Des UV qu'on n'a pas la nuit, bien sûr. Donc, je parle toujours sous contrôle de mes collègues, mais à de rares exceptions près, comme peut-être des animaux qui vivent au couchant, ou éventuellement un rehaussement des couleurs, a du sens parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y a quand même des UV. À part quelques cas très particuliers, c'est plutôt un artefact que révèlent nos observations. Et c'est exactement la même raison pour laquelle ma chemise blanche en boîte de nuit, elle est bleu fluo et je ne l'ai pas achetée pour ça. Bernard Valeur, en effet, sur les fleurs qui sont donc fluorescentes, d'ailleurs ce sont des zones reproductrices qui sont généralement fluorescentes. Oui, tout à fait. J'approuve tout à fait ce que Marc-André vient de dire, mais il y a une controverse tout de même, hein, parce que les organes reproducteurs sont souvent fluorescents. C'est ce qui a été observé, et certains disent que cette fluorescence ajoute de la luminosité et donc joue un rôle dans l'attractivité. Alors c'est vrai que les détracteurs de cette hypothèse disent que l'accroissement de luminosité est relativement faible. Mais en fait, on peut ajouter que ce qui compte, c'est pas tellement l'intensité totale, c'est aussi le contraste lumineux. Hein, et c'est quand même surprenant que précisément les antères, enfin les organes reproducteurs, soient spécifiquement fluorescents. Donc peut-être que cette fluorescence joue un rôle dans l'attraction des insectes pollinisateurs. Mais il faut bien préciser en plus que ces insectes pollinisateurs, comme les abeilles, ne voient pas du tout les couleurs comme nous. Par exemple, les abeilles ne voient pas dans le rouge. En revanche, elles perçoivent les UV. Donc, ce que renvoie une fleur, c'est pas seulement de la lumière réfléchie dans le visible, c'est aussi des UV qui sont réfléchis, auxquels nous ne sommes pas sensibles et auxquels les abeilles sont sensibles. Donc, il faut être très prudent sur l'attractivité de la fluorescence dans le cas des fleurs et dans d'autres cas. Pour continuer, pour poursuivre sur les mécanismes et le fonctionnement de la fluorescence, Séverine Martini, cet effet physique peut être dû à une protéine particulière. Alors, pour faire le lien entre la fluorescence et la bioluminescence, effectivement, par rapport à ce qui a été dit, souvent les organes bioluminescents de certains organismes sont également fluorescents. Et il y a une protéine qui est très connue et qui a été découverte chez une méduse qui est à la fois bioluminescente et qui possède cette protéine qui est fluorescente et qu'on appelle la green fluorescent protéine. Cette protéine, en fait, elle permet de déformer la longueur d'onde, c'est-à-dire la couleur, émise par la bioluminescence pour changer la couleur en fait de la bioluminescence et tirer plus vers les couleurs du vert. Donc c'est lié à cette GFP, cette green fluorescent protéine, qui a été une découverte majeure scientifiquement. Oui, c'est une découverte qui a valu d'ailleurs un Nobel, Marc-André Sellos. Ah oui, moi j'ai pas grand-chose à dire de cette protéine-là, sauf qu'effectivement, elle rend bien des services, notamment pour voir comment s'expriment certains gènes, hein, et où ils s'expriment. Il suffit de brancher le gène de cette protéine sur les parties régulatrices du gène dont on veut savoir où est-ce qu'il s'exprime, comment il s'exprime, et à ce moment-là, bah, la couleur, ou plutôt la fluorescence, se met en place à l'endroit voulu. Voilà. Moi j'ai une question, alors ça se fait pas de poser des questions normalement, mais pourquoi c'est toujours vert ou bleuté, ces fluorescences? Moi, je me suis jamais expliqué ça. Ça, c'est une question pour vous, Bernard Valeur. Oui, c'est souvent vert parce que peut-être beaucoup d'organismes ont un système visuel plus sensible dans le vert. Mais il faut préciser tout de même qu'il y a de la fluorescence dans le jaune, même parfois dans le rouge. Et puis les coraux possèdent, et même les anémones de mer, possèdent des protéines fluorescentes de différentes couleurs. Et on peut aussi fabriquer des mutants de la green fluorescente protéine. Et ainsi, on a toute une panoplie de protéines fluorescentes qui sont d'une utilité extraordinaire pour l'imagerie du vivant, c'est-à-dire qu'on peut faire des images multicolores qui sont tout à fait spectaculaires, le brainbow, hein, pour visualiser les neurones dans le cerveau, par exemple. Donc, ces protéines fluorescentes, c'est vraiment une révolution dans le domaine de l'imagerie en biologie. Vous évoquez les coraux, bien justement, partons les contempler. On les contemple avec vous, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes allée explorer le nouveau corallium de l'Aquarium de Paris qui recèle une riche biodiversité de coraux fluorescents. Et oui, parce que les coraux fluorescent grâce, comme on l'a dit, à l'action d'une protéine, la GFP, qui, après avoir absorbé la lumière, la réémet dans une autre fréquence, soit une autre longueur d'onde, et donc une autre couleur. Auprès des aquariums, Corentin Garde-Lansar, médiateur scientifique, explique comment on reproduit ici ce phénomène naturel via un dispositif qui inverse le cycle jour-nuit. On peut ainsi admirer un diorama à l'esthétique surnaturelle, des polypes jaunes, verts, violets ou orange fluo, baignant tous en symbiose avec leurs microalgues. Et au-delà de la beauté de ces paysages vivants, l'intention est surtout de sensibiliser sur la précarité de ces espèces face aux pressions environnementales. Là, on se trouve devant un bassin qui explique la fluorescence des coraux, qui la montre et qui va l'exagérer. Donc c'est un bassin où sont suspendues sur les roches des colonies coralliennes avec un pouvoir fluorescent. Et en fait, on voit un bassin assez sombre avec la pierre très foncée, avec quelques petits reflets violacés et un petit peu partout qui spotent dans tout le bassin des colonies coralliennes avec des couleurs absolument étonnantes, du orange fluo, du vert fluo avec des petites taches oranges au milieu, un orange très pétant. Donc en fait, on a vraiment des couleurs étonnantes qui sont dispatchées un petit peu partout dans ce bassin. Et c'est vrai que ce bassin est assez incroyable, il a un caractère presque surnaturel avec toutes ces couleurs fluorescentes et qui concentre finalement des spécimens aux origines variées dans un seul décor pour donner à apprécier la biodiversité des polypes. C'est vrai que c'est un décor qu'on aurait du mal à trouver dans la nature, déjà parce que les coraux viennent pas du même endroit et surtout parce que les conditions sont très exagérées pour pouvoir justement apprécier le phénomène encore mieux. Il y a des coraux très variés dans ce bassin et ça donne une impression de quelque chose de très futuriste. C'est vrai qu'il y a ces petits spots lumineux à droite à gauche avec cette fluorescence des coraux, avec du orange fluo, du vert très pétant, parfois quelques petites touches de violet, presque jaunâtre. Parfois, on a certains poissons, exactement le vert qui est très impressionnant et qui se voit très bien dans l'angle du bassin. Il y a certains poissons qui, en passant devant les colonies, vont avoir les écailles qui reflètent un peu cette lumière, une légère iridescence, donc c'est très joli. On voit les antennes de petites crevettes aussi qui vont briller dans le noir. Donc oui, c'est un tableau futuriste et très esthétique. Mais c'est bien un phénomène, même si amplifié, qui est naturel et qui existe donc dans l'océan. Ici, on a inversé le cycle jour-nuit pour évidemment qu'on puisse apprécier cette caractéristique. Est-ce que vous pourriez décrire les avantages peut-être évolutifs ou physiologiques de cette fonction de fluorescence ? Oui, donc ce bassin est très spécial puisqu'on inverse le jour et la nuit. Donc tous les bassins sont éclairés le jour avec des UV assez puissants. Il y a une grosse quantité d'UV nécessaire pour les coraux. Et en soirée, le bassin est plongé dans la pénombre. Là, c'est l'inverse. Il faut que le bassin soit dans la pénombre le jour et soit très bien éclairé la nuit. Et en fait, avec le filtre bleu le jour, on peut observer cette fluorescence. Alors c'est un phénomène un peu étonnant qui paraît très artificiel, mais en réalité, il existe dans la nature et il a donné certains avantages aux coraux. Il se trouve que les colonies coralliennes les plus fluorescentes seraient plus résistantes face au blanchissement des coraux, puisqu'en fait elles arrivent à garder un petit peu mieux leurs algues photosynthétiques. Il y a des petites algues qui font de la photosynthèse à l'intérieur des petits polypes de coraux, et donc ces petites algues sont bien mieux protégées lorsque le corail est fluorescent, puisque ça va atténuer un petit peu le pouvoir solaire qui est souvent beaucoup trop puissant et qui est contre-productif pour les petites algues. Là, ça va permettre de canaliser tout ça et donc d'avoir une bonne protection pour ces petites algues. Donc on pourrait dire qu'entre les zooxanthelles et les polypes, il y a une relation symbiotique ou de mutualisme, quelque chose d'harmonieux à bénéfice réciproque. Oui, c'est vraiment la symbiose au sens strict, puisque la zooxanthelle vit à l'intérieur même du polype. Elle a besoin du polype pour être hébergée, et le polype a besoin de la zooxanthelle pour pouvoir se développer. En fait, à l'intérieur des petits animaux qui constituent le corail, qu'on appelle les polypes, il y a de minuscules algues. Ces minuscules algues, comme tous les végétaux, font de la photosynthèse. Sauf que les coraux, ils vivent à des endroits où le rayonnement solaire, on le prend quand même dans la figure toute la journée avec très très forte intensité, et ce rayonnement solaire peut être contre-productif. Donc il faut protéger les petites algues photosynthétiques. Et justement, les coraux qui font de la fluorescence, on remarque qu'ils ont un meilleur taux de protection de leurs zooxanthelles, c'est ces petites algues, et donc il pourrait y avoir un lien, les coraux les plus fluorescents seraient plus avantagés pour conserver leurs zooxanthelles et donc réaliser une meilleure photosynthèse. Et donc plus il y a de photosynthèse, plus le métabolisme du corail est élevé et donc plus la colonie se réplique, grandit, s'expand et donc forcément le rythme de croissance du corail est plus élevé. En tout cas, ça montre qu'il y a encore beaucoup de recherches fondamentales et observationnelles à faire sur les coraux de manière générale et sur ce mécanisme de fluorescence en particulier. D'un point de vue évolutif, vous l'avez dit, il y a une sorte de symbiose, mais du coup peut-être aussi des relations de prédation, de protection. C'est fascinant au niveau écologique. C'est super fascinant au niveau écologique, et puis ça met en perspective plein d'autres recherches, parce que déjà quand on s'est rendu compte que certains organismes comme les coraux dans l'océan avaient un pouvoir de fluorescence, c'était déjà assez incroyable, et ça a donné lieu à plein d'articles scientifiques. Mais là, petit à petit, on découvre qu'il y a d'autres animaux qui ont un pouvoir fluorescent. Il y a même certains mammifères, on le découvre des fois dans les collections des musées, en passant le musée à la lumière bleue, on se rend compte que certains animaux, même mammifères, donc encore plus proches de nous, sont fluorescents aussi. Est-ce que ça pourrait permettre de mieux lutter contre le rayonnement solaire, même pour les humains? Est-ce que ça pourrait permettre d'avoir des avantages dans l'agriculture plus tard, en augmentant le rendement photosynthétique? C'est plein de questions que se posent les scientifiques, et tout ce questionnement-là, il naît grâce aux océans. D'où l'intérêt aussi de protéger les coraux à travers ce point de vue fluorescent, parce que évidemment, outre la fluorescence, les coraux, c'est le milieu de vie par excellence dans l'océan. Il y a près d'un tiers des animaux marins qui dépendent des récifs coralliens pour leur survie, donc forcément c'est vraiment l'habitat à protéger dans l'océan, et plus indirectement pour nous, il peut avoir des points intéressants pour la recherche. Merci Céline Lezenne pour cette plongée à l'Aquarium de Paris. Bernard Valeurs, à propos justement de la fluorescence des coraux et sur l'hypothèse de son rôle. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit, qui était très détaillé. Simplement, je mentionne une autre hypothèse pour la protection du soleil des coraux. Il y a une autre hypothèse, il s'agirait aussi éventuellement de chromoprotéines non fluorescentes qui protégeraient les algues zooxanthelles. Mais j'avoue que ce n'est pas du tout mon domaine de recherche, donc c'est simplement le fruit d'une lecture. Alors en revanche, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je voudrais dire que la fluorescence en milieu marin n'est pas seulement due à des protéines fluorescentes. Hein, par exemple, il y a des poissons fluorescents, tels que les requins, hein, certains requins, tous les requins ne sont pas fluorescents. Il y a la roussette maille et le requin houle, par exemple, qui ont des très beaux motifs fluorescents verts que l'on voit très bien sous une lumière bleue. Et là, ce sont des composés de fluorescents, des pigments de petite taille qui résultent du métabolisme, je crois, de la bromokinurénine. Hein, et il y en a 8, je crois, et donc il ne faut pas dire qu'il y a seulement des protéines fluorescentes à l'origine de la fluorescence en milieu marin. Alors, on s'est interrogé, bien sûr, sur le rôle que pourraient avoir ces motifs fluorescents. Hein, bon, évidemment, toujours, on essaie d'avancer l'hypothèse que ça sert à la communication, c'est-à-dire la reconnaissance des congénères entre eux, et puis la différenciation des sexes. Parce que ces requins vivent en groupe jusqu'à une dizaine d'individus. Et puis alors, chez les poissons, alors il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui des poissons des récifs coralliens, puisqu'on parlait des coraux. Eh bien, ils émettent une fluorescence dans le rouge. Alors, a priori, c'est un peu surprenant parce que la lumière rouge qui vient du soleil est très rapidement absorbée, hein, au bout d'une dizaine de mètres de profondeur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des poissons ont des yeux qui sont en général très peu sensibles dans le rouge. Mais dans le cas des poissons des récifs coralliens, eh bien, il semblerait qu'ils puissent communiquer grâce à cette fluorescence rouge, grâce à des pigments fluorescents, ce ne sont pas des protéines encore, qui sont associés à des cristaux de guanine. Et donc finalement, à défaut de recevoir de la lumière rouge à cette profondeur, eh bien, ces poissons arrivent à la produire. On l'entendait évoquer dans ce reportage, Marc-André Sellos, c'est la fluorescence chez les mammifères. On savait que les ornithorynques, les wombats, les écureuils volants ou encore les loirs sont biofluorescents, mais ils ne sont pas les seuls. Une étude parue dans la revue Royal Society Open Science en octobre 2023 montre que 125 espèces de mammifères examinées à la lumière UV émettent une teinte verte, bleue, rose ou blanche. Oui, alors j'ai lu cet article avec beaucoup de délectation. Et puis alors les images sont marrantes parce que on revisite complètement dans des couleurs vraiment fun des animaux qu'on connaît. Mais moi, je reste perplexe en fait sur les fonctions biologiques associées. Voilà, je m'explique. C'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert que ça sert à rien. C'est pas du tout mon raisonnement. Mais ce que j'observe, et c'est le cas aussi avec les éclairages très particuliers auxquels on soumet les coraux, par exemple, dans les aquariums, c'est que ça correspond quand même à des circonstances assez expérimentales ou en tout cas pas des circonstances naturelles, celles où on révèle ces couleurs. Et donc, on peut se demander si effectivement ça existe. Alors par contre, il y a un truc, et je pense à ça à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que les parties sexuelles, notamment des plantes, sont souvent fluorescentes. Bon, chaque fois qu'on a des molécules qui jouent avec la lumière, eh bien, il se peut qu'un peu par hasard, elle donne une fluorescence. Alors, qu'est-ce que j'appelle jouer avec la lumière? C'est soit avoir une couleur, et c'est-à-dire absorber certaines longueurs d'onde et en envoyer d'autres, y compris, on l'a dit, dans l'UV. Hein. Ça permet effectivement d'être visible par un changement de longueur d'onde par rapport à l'environnement. Mais il y a aussi toutes les molécules photoprotectrices. C'est-à-dire celles qu'on va trouver dans la peau, dans les téguments de surface, quel que soit l'organisme d'ailleurs, qui vont absorber la lumière et la transformer en chaleur pour éviter que cette lumière ne rentre à une phase des dégâts, ou les UV aussi. Donc ces molécules qui sont soit photoprotectrices, soit qui ont un rôle de signal, elles jouent avec la lumière. Et du coup, le fait qu'elle soit capable d'absorber certaines longueurs d'onde et de relâcher ces longueurs d'onde de différentes façons, notamment sous forme d'autres longueurs d'onde, ça les prédispose à être, de façon anecdotique, parce que c'est pas ce qu'elles font dans la nature, mais d'avoir des propriétés de fluorescence. Mais c'est un sous-produit de la photoprotection ou de l'affichage des fonctions colorées. Voilà. Alors pourquoi le polatouche, cet écureuil volant qui est un peu notre mascotte dans l'équipe, est fluorescent? Pourquoi justement le trois quarts des animaux marins font de la bioluminescence? Quel est l'intérêt de cette caractéristique biologique? On continue de répondre à ces questions. Restez à l'écoute. Thank you. Pet Shop Boys, fluorescent, en direct sur France Culture, car nous parlons de fluorescence, de bioluminescence, de cette caractéristique biologique dans le monde vivant. On en parle avec nos trois invités du jour. Séverine Martini, chargée de recherche CNRS à l'Institut méditerranéen d'océanologie de Marseille, avec Marc-André Sellos, professeur du Muséum national et membre de l'Institut universitaire de France, et avec Bernard Valeur, physico-chimiste, professeur honoraire du CNAM, spécialisé dans la photophysique et photochimie à Paris-Saclay. Nous venons de parler de comment fonctionne la bioluminescence, la fluorescence. On a déjà évoqué quelques-unes d'entre elles, mais quelles sont les fonctions de la bioluminescence pour les animaux, Séverine Martini? La bioluminescence correspond à plusieurs stratégies. Oui, c'est ça. Alors, on a l'habitude de classifier un peu différentes catégories pour le rôle de l'émission de bioluminescence. Ces trois catégories, ça va être la défense, l'offense et rencontrer un partenaire sexuel. Donc, rencontrer un partenaire sexuel en milieu marin, on se rend compte de l'intérêt d'émettre, l'avantage d'émettre de la bioluminescence. Comme milieu marin, on est dans un milieu qui est complètement obscur, donc émettre de la bioluminescence, ça permet de communiquer par la lumière et donc de rencontrer plus facilement un partenaire sexuel. Après, pour ce qui est de la défense, par exemple, on va avoir certains organismes qui utilisent ce qu'on appelle la contre-illumination, c'est-à-dire la bioluminescence, des cellules bioluminescentes sur le dessous, sur le ventre, sur le dessous du corps. Et ça leur permet, en fait, de, quand on regarde vers le haut, de se fondre avec la luminosité qui passe au travers de la surface de l'océan. Donc, du coup, en regardant un prédateur qui va regarder vers le haut, ne va pas voir l'ombre de la silhouette de ces organismes qui utilisent la contre-illumination, donc la bioluminescence, pour se cacher dans la lumière. C'est un peu contre-intuitif. C'est un peu paradoxal, ça, oui. Oui, tout à fait. Après, on a d'autres... c'est seulement des exemples, mais en termes d'offense, donc d'attaque, on a ce poisson qui utilise des bactéries dans cet organe au bout d'une canne à pêche, d'un genre de canne à pêche, qui va donc attirer, puisque les bactéries vont émettre une lumière qui est continue. Et dans l'obscurité totale, émettre une lumière continue, ça a un côté un peu attractif. On peut aussi s'imaginer, nous par exemple, si on est dans une pièce qui est totalement noire, quelqu'un rentre avec une lampe torche et nous la pointe dans les yeux, ben, forcément pendant quelques instants on va être complètement ébloui et donc un peu perdu, avoir un peu de mal à se repérer, à s'échapper face à ce prédateur avec la torche lumineuse, donc qui utiliserait la bioluminescence pour perdre un peu sa proie et du coup se nourrir sur sa proie en attendant. D'autres exemples, ça peut être aussi tout simplement utiliser la bioluminescence à proximité des yeux comme un peu comme une lampe torche pour éclairer et mieux voir finalement dans cette obscurité. Donc ça, c'est seulement quelques exemples parce que finalement, des stratégies, des rôles de la bioluminescence dans l'océan, il y en a énormément et surtout, il y en a énormément qu'on ne connaît pas encore, pour lesquels on a des hypothèses, mais qu'on n'a pas encore confirmées, qui sont compliquées à confirmer. J'aime beaucoup, moi, cet exemple de crevette qui vit en eau profonde et qui crache un liquide luminescent vers les yeux des poissons qui tentent de capturer ces crevettes. Marc-André Sellos, quel est l'intérêt pour une espèce végétale de faire de la lumière? C'est pas du tout la même chose que pour des animaux ou des poissons. Enfin, ça répond pas au même comportement de prédation, de reproduction, de fuite. Oui et non. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a des bioluminescences qu'on ne sait pas expliquer chez les champignons, par exemple. On ne sait pas très bien à quoi ça sert. Mais c'est souvent des histoires à trois bandes aussi. Bon, revenons dans l'eau, parce que là, il y a, en fait, Séverine a fait une liste très très exhaustive, donc il y a peu de choses à ajouter. Mais il faut voir qu'il y a souvent un troisième larron dans cette histoire-là. En particulier, les fameux noctiluques qui font de la lumière quand il y a des vagues ou quand on nage, quand il y a des cisaillements, des mouvements cisaillants dans l'eau. En fait, en général, ces cisaillements induisent cette émission de lumière parce que c'est les cisaillements qui correspondent à ce qui se passe quand des petits crustacés arrivent à leur voisinage pour les manger. Et du coup, les cisaillements de l'eau indiquent la présence de ce qui est potentiellement un prédateur. Et quand c'est une vague ou un nageur, c'est un accident en fait. Ça ressemble, mais c'est tout. Et du coup, comme ça devient brillant, ça attire les prédateurs des prédateurs. Et donc, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, ça peut éviter de se faire trop manger. On pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, qui pousse les bactéries marines à émettre de la lumière. Alors, ce mécanisme-là, on pourrait l'invoquer pour les champignons. sauf qu'on n'a jamais vraiment montré qu'il y avait une recrudescence d'adversaires des petits organismes, insectes ou vers qui mangent ces champignons. Donc là, il reste des fonctions pas bien claires. Hein. Et c'est de ce point de vue-là, en milieu terrestre, plutôt énigmatique, oui. La bioluminescence apparaît dans des embranchements si nombreux et si les éloignés les uns des autres que les biologistes admettent qu'elle est apparue de manière indépendante et multiple au cours des centaines de millions d'années d'évolution. Bernard Valeur, on peut donc peut-être parler de convergence évolutive. Alors ça, la convergence évolutive, c'est un vaste domaine et je crois que Marc-André Sellos est mieux placé que moi pour répondre. Marc-André Sellos. Oui, ben alors pas forcément mieux, mais c'est un fait. Hein, on est d'accord, Bernard, que c'est apparu dans plein de groupes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est apparu de deux façons finalement. Hein, on l'a déjà dit. Il y a les groupes qui ont bricolé par eux-mêmes des dispositifs à partir de mutations, donc complètement autonome, dirions-nous. Et puis, il y a, et Séverine nous disait que c'était arrivé deux, trois fois en mer, enfin dans l'eau, et par contre sur Terre, à ma connaissance, j'ai pas d'exemple, je vais y revenir, c'est l'acquisition d'un partenaire qui sait faire. Et ça résume un grand motif de l'évolution. Il y a deux façons d'évoluer, hein, soit par soi-même, par mutation, soit en acquérant un partenaire, en établissant une symbiose avec un autre capable de faire ça. Alors après, c'est vrai qu'en mer, c'est facile, parce qu'en mer, ils traînent des bactéries dans l'eau et on peut choper des bactéries et les abriter. Sur Terre, on n'a pas cette possibilité de rencontrer d'autres organismes facilement et on a beaucoup moins un mécanisme qui met en place pas mal de ces associations, la phagocytose, le fait d'avaler quand une cellule en avale une autre. On a moins ça en milieu terrestre parce que justement, on n'est pas dans une circonstance où les organismes trempent dans une soupe commune. Et c'est peut-être pour ça qu'en milieu terrestre, souvent, ça évolue plutôt par des mutations que par des symbioses. Séverine Martini, on peut parler justement de convergence évolutive ensemble. Il y a beaucoup d'études sur cette question. Alors, on a essayé de répertorier un peu tous les organismes qui émettent de la bioluminescence. Et effectivement, je crois que les dernières études ont montré qu'il y a à peu près une centaine d'apparitions dans l'arbre du vivant de la bioluminescence. Il y a d'autres, j'ai des collègues aussi qui ont commencé à montrer des choses extrêmement intéressantes pour des poissons pour lesquels la machinerie en fait liée à la bioluminescence, donc les molécules qui sont impliquées dans cette réaction chimique de bioluminescence, ne sont pas du tout présentes au départ. Et ces poissons en fait vont acquérir les molécules liées au mécanisme de bioluminescence, à la réaction chimique de bioluminescence, par leur alimentation. Donc là encore, moi je trouve ça passionnant parce que finalement, c'est aussi un moyen de se procurer cette réaction de bioluminescence, non plus forcément par symbiose avec des bactéries, mais d'une autre façon, et d'acquérir cette capacité à émettre de la lumière qui est extrêmement, qui favorise les organismes, qui a un avantage clair dans l'obscurité de l'océan. Il est difficile donc de dire si c'est un trait acquis par l'évolution, si c'est une symbiose qui s'est installée. On vient de voir à quoi pouvait bien servir la bioluminescence, qui peut être utile pour se camoufler, pour effrayer, ou au contraire pour attirer d'autres organismes. Bernard Valeur, la bioluminescence c'est aussi une mine biotechnologique. Quelles sont les applications très concrètes que l'étude de la bioluminescence a permis ? Oui, effectivement, il y a des applications très concrètes. Comme Marc-André l'a rappelé tout à l'heure, il faut, pour qu'il y ait émission de bioluminescence, il faut de la luciférine, la luciférase, de l'oxygène et une molécule porteuse d'énergie, l'ATP. Et donc, c'est le fait qu'il faut de l'ATP, ça a été mis à profit pour détecter une activité microbienne, puisque presque tous les organismes vivants fonctionnent avec cet ATP. Et donc, on peut utiliser le couple luciférine-luciférase des lucioles, parce que ce couple exige de l'ATP pour fonctionner, afin de détecter des microbes. C'est ce qu'on appelle l'ATP-métrie. Et c'est une technique qui est beaucoup plus rapide que les contrôles microbiologiques habituels. Hein. C'est quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Alors, c'est très utile et très utilisé, notamment dans le domaine alimentaire, parce qu'on peut mesurer presque instantanément l'état d'hygiène d'une surface qui est en contact avec des produits alimentaires. Mais ça sert aussi pour faire des contrôles microbiologiques de diverses choses, des jus de fruits, des sodas, des eaux minérales, et puis même pour contrôler les vaccins qui sont destinés à être injectés, même les cosmétiques, les médicaments, etc. Et on peut même, je crois, détecter une infection urinaire couramment par cette méthode-là. Et puis enfin, je citerai qu'on peut suivre une fermentation, par ce procédé. Donc c'est une des applications extrêmement importantes de la bioluminescence. Et je voudrais en citer une autre qui est un peu anecdotique, mais qui est quand même intéressante. C'est l'application à l'éclairage avec des bactéries bioluminescentes dont on vient de parler. Alors ça, c'est une proposition qui date de 1900. C'est Raphaël Dubois qui a élucidé les mécanismes de bioluminescence et qui a inventé les mots luciférine et luciférase, qui en 1900 à l'exposition universelle avait montré un grand récipient en verre rempli de bactéries bioluminescentes l'intensité de la lumière était suffisante pour que quelqu'un puisse lire son journal. Alors l'idée est venue de mettre au point des éclairages avec des bactéries bioluminescentes de façon beaucoup plus récente. Philips en particulier a commencé à travailler sur un projet BioLight, et puis la société Glowy, une société française aussi, a travaillé beaucoup sur ce sujet depuis 2013, je crois, mais malheureusement, je crois qu'elle a récemment déposé son bilan. L'idée était de faire des enseignes lumineuses, des bornes de signalisation, ou on peut même éclairer des façades, de façon extrêmement écologique. Le petit problème quand même, c'est que la lumière verdâtre, je dirais, est un peu glauque, et puis il faut quand même trouver un système d'alimentation des bactéries. Marc-André Sellos, sur ces lampes vivantes. Alors, à défaut de faire un grand jour la nuit, ça permet effectivement de ne pas se cogner. Et d'ailleurs, de façon amusante, le bois mort colonisé par des champignons bioluminescents, les armillaires, avait servi à la défense passive en Angleterre. On en mettait sur les casques, et comme ça, les gens se voyaient rôder à distance de vue et ne se cognaient pas les uns contre les autres dans la pénombre, mais ce n'était pas visible d'avion. Ça n'était pas repérable par les nuits. Alors, ça offre des solutions assez intéressantes pour ne pas se cogner à défaut de vraiment voir la nuit. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'on parle souvent de la pollution visuelle, de la pollution lumineuse la nuit. Et justement, des organismes comme les lucioles en Amérique ou les vers luisants chez nous font partie des victimes de cette pollution lumineuse parce que finalement, ils n'arrivent plus à voir leur partenaire, ils n'arrivent plus à retrouver leur partenaire sexuel parce qu'il y a trop de bruit en termes de lumière, il y a trop de lumière autour d'eux, ils n'arrivent plus à voir le partenaire. Donc c'est important d'imaginer des modalités d'éclairage demain qui soient une moindre pollution lumineuse, notamment pour les animaux bioluminescents. Bien, merci à vous trois de nous avoir éblouis tout au long de cette heure. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delvaux et sa chronique Avec Science. Toute la semaine, nous allons disséquer les infox pour comprendre comment ces fausses informations scientifiques se construisent, se propagent et perdurent. Aujourd'hui, sur notre table d'autopsie, un gros morceau des turbocancers associés au vaccin contre la Covid-19. Et il faut le dire d'emblée, les turbocancers ne renvoient à aucun terme médical. Ils ont été popularisés par Alexandra Orion-Caude, ancienne directrice de recherche à l'INSERM, devenue figure de proue des opposants à la vaccination contre le coronavirus. Ces turbocancers seraient des cancers particulièrement agressifs causés par la vaccination. En fait, cette infox part de la mauvaise interprétation et manipulation d'un article scientifique qui rapporte l'embrasement d'un lymphome, c'est-à-dire le développement rapide d'un cancer du système immunitaire après une vaccination. Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer et co-auteur d'une tribune d'oncologues parue dans l'Express qui ont ensemble creusé la littérature scientifique sur le sujet. Et en fait, c'est basé sur une publication de 2022 d'un cas, une personne qui avait un lymphome et après vaccination, après sa troisième dose de vaccin, a été constaté une accélération de son lymphome. Ce qu'on a regardé aussi, c'était est-ce que c'est vrai pour d'autres cancers? Et en fait, non. On n'a pas retrouvé de lien publié de cas de cancer du sein, du pancréas, par exemple, ou du poumon, qui auraient été favorisés ou accélérés par la vaccination anti-Covid. Et enfin, on a aussi cherché, est-ce qu'il y a d'autres cas de vaccination qui aurait pu accélérer des lymphomes. Oui, on a trouvé un cas d'accélération potentielle de stimulation après une vaccination anti-grippe. Petite particularité, le patient qui a fait objet de la première publication est aussi chercheur et co-auteur. Il a longuement hésité avant de publier son propre donc rapport de cas parce qu'il savait que cela pourrait abreuver les marchands de doute. Au total, une petite dizaine d'accélérations de lymphomes ont été rapportées depuis 2023 suite à ce vaccin. Mais cela ne signifie pas pour autant que la vaccination peut déclencher un cancer. Il faut bien comprendre que ces cas-là, les gens qui étaient vaccinés avaient déjà la maladie. Ils avaient déjà le lymphome. Et il est possible, voire très probable, que la vaccination ait pu entraîner une inflammation qui a accéléré le processus lymphomateux. Bon, après, les gens ont été traités, mais en aucun cas la vaccination en elle-même a créé le mécanisme physiopathologique pour aboutir à la première cellule cancéreuse. Un lien existe bel et bien entre lymphome et vaccination, mais c'est extrêmement rare. 10 cas sur les milliards de doses injectées. En réalité, c'est le changement d'échelle qui nous permet de les observer. Plus on vaccine, plus on a de risques de voir apparaître des effets secondaires très rares. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec les myocardites. On ne pouvait tout simplement pas les voir dans les premières études de développement des vaccins. Reste une dernière question associée à celle-ci, qui a fait l'objet d'une publication dans le British Medical Journal. Y a-t-il une augmentation des cancers, en particulier chez les jeunes ? Oui, il y a plus de cancers aujourd'hui, déjà parce que la population vieillit, petit 1, mais un peu plus aussi chez les jeunes. Et ça, vous savez que ça n'a aucun rapport avec la vaccination, puisque pour faire un cancer, on estime que c'est 5 à 10 ans. Donc là, déjà, sur le plan de la chronologie, on a commencé à vacciner en 2021. Enfin, tout ça est absurde de dire que quelque chose en 6 mois pourrait déclencher, créer un phénomène cancéreux. Alors, en fait, il y a d'autres explications, beaucoup plus scientifiques, parce que malheureusement, notre mode de vie est tel aujourd'hui qu'on est plus exposé à des petits facteurs qui, mis bout à bout, multipliés, eh bien, créent sur une population globale un risque accru et donc plus de cas. C'est donc là aussi mécanique et mathématique. Chez les moins de 50 ans, qu'on considère donc comme étant jeunes, le nombre absolu de cancers a bondi de 80%, mais l'incidence, donc le nombre de cancers rapportés à la population, n'a augmenté que de 22%. Et là, c'est le fait de petits risques mis bout à bout, mais on parle ici du monde entier, alors qu'en France, les cancers ont plutôt tendance à diminuer chez les hommes de moins de 60 ans. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Noémie Eliazor, Garance Prima, Agnolo. Céline Lozen, à la réalisation Gilles Blanchard, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.